Cette histoire est comme l'histoire d'un boxeur. Oui, cette histoire est comme celui qui a reçu un trophée de valeur. La donne à son tour à sa compagne bien-aimée, laquelle n'a pas combattu, mais portant la gloire de sa victoire. Quel bon aïe, quel bon aïe. Il me prend pour pécheur, me donnant sa couronne. Et depuis ce jour-là, sa gloire est devenue ma gloire. Quel bon aïe, quel bon aïe. Bien-aimé, ta vie de repentance, c'est ce qui fait que sa gloire est devenue ta gloire.